الذي وعدته وارزق رشد حسنة. نسأله يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ويقول عز من قائل: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الشباب عماد هذه الأمة، وهم من ناصر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم المعول والمعتمد. وإننا في هذا العصر تتهددنا وتتهددهم تحديات عظيمة. ولعل من أعظم هذه التحديات ومن أعظم هاته المخاطر التي تفتك بالصحة والعقل والمال فتنة التدخين والشيشة والمخدرات وما حاط ودار حولها. فماذا يقول ديننا الحنيف في كل هذا؟ ما الشيخ سير notre bien-aimé messager sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith magnifique, il nous dit deux bienfaits d'Allah à propos desquels vous êtes inconscient, vous ne portez pas assez d'attention, vous ne les leur donnez pas leur juste valeur. Le premier bienfait, la bonne santé. Et le deuxième bienfait, le temps libre. Et en évoquant ces deux bienfaits d'Allah, nous évoquons bien sûr notre jeunesse, qui est le pilier de la société, l'avenir. Cette jeunesse, dans ce monde moderne, fait face à d'énormes défis. Fait face à des sectes, fait face à des troubles. Mais parmi les défis et les dangers qui guettent, pas seulement cette jeunesse, mais l'humanité entière, il y a le fléau du tabagisme. Encore pire, le fléau des drogues, qui touche de plein fouet notre jeunesse, nos sociétés. Que dit l'islam sur ce fléau? Que dit l'islam sur la cigarette, sur la chicha et pire encore sur les drogues? يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول عز من قائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مالك في موطئه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقد اتخذت قاعدة فقهية عظيمة. Mes chers frères, mes chers sœurs, Allah تبارك وتعالى nous dit dans le Coran clairement, explicitement, et ne vous jetez pas dans la destruction. Ne vous mettez pas dans le préjudice. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit clairement, explicitement, et ne vous tuez pas vous-même. Ne tuez pas évidemment l'âme innocente, mais ce verset-là nous parle de cette action de se faire du mal, de se tuer. Et ne vous tuez pas vous-même. Car Allah est pour vous tout miséricorde. Et celui qui fait cela, eh bien, il aura l'enfer. C'est Allah qui dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs traditions authentiques, nous met en garde. Déjà, évidemment, contre le suicide, y compris le suicide à petit feu. Mais il y a un hadith rapporté par Malik dans son Mouta, qui est une règle finalement. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on ne subit pas de préjudice et on ne fait pas subir de préjudice à autrui. Il s'agit là d'une règle élémentaire. Tout ce qui va porter préjudice à l'être humain, sa santé, sa raison, sa filiation, ses biens, sera de ce fait haram, interdit, comme le stipulent les fuqaha, les ulama. Ikhwat al-iman. Bina'an ala ma sami'tum. Wa bina'an ala ma qararathu al-majami'u al-fiqhiyya. Sinadan ila al-kitab illahi wa ila hadith rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وإلى القواعد الكبرى أو ما يسمى بالكليات الخمس المستشفة من الآيات التي سمعتم ومن الحديث الشريف فإن من أعظم الكليات حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسب. قررت المجامع الفقهية هذا ما يسمى بالاجتهاد الجماعي يد الله مع الجماعة يعني ليس فقط قول الفرد أو فتوى الفرد فتوى الجماعة بما لا يدع مجالا للشك إجماع إجماع في الوقت إجماع علماء الأمة على أن التدخين حرام قطعي بناء على أنه ضرر فعلي وغير ظني للجسد للعقل وللمال للإنسان وللذي يدور حوله فكان بذلك حراما قطعيا بل اعتبره بعض العلماء كبيرة ككبيرة الخمر فما بالكم بالشيشة وما بالكم بالمخدرات. هذا التدخين شربه شراؤه بيعه متاجرة فيه زراعته كل هذا حرام حراما قطعيا بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا على غيره مما يجلب الضرر وليس فيه النفع. Mes chers frères, mes chères sœurs, selon ce que je viens de citer comme verset du Coran très clair et comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam explicite, ce qu'on appelle les comités de fiqh, Parce que vous devez le savoir, notre monde moderne est tellement complexe qu'il y a des nouveautés, nawazil, qui ne peuvent être traitées par une seule personne, par un seul faqih, par un seul savant. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les jihad collectifs, des comités de jurisprudence à travers le monde qui se réunissent de façon régulière pour traiter les affaires courantes, les nouvelles choses à la lumière du Coran, à la lumière de la sunna et en utilisant les outils du fiqh, telle l'analogie par exemple. Ces comités de jurisprudence qui sont composés à la fois de savants en sciences religieuses mais aussi de médecins et de spécialistes dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines, se sont réunis à plusieurs reprises. Depuis les années 70, ils ne cessent de répéter que selon les versets que vous avez entendus et aussi selon les règles de ce qu'on appelle maqasid, les objectifs nobles de cette religion, dont fait partie la préservation de la vie, la préservation de la filiation, la préservation de la raison et la préservation des biens, eh bien, ils ont, à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, déclaré le tabagisme comme étant illicite, haram. Il y en a même qui l'ont mis dans les kaba'ir, dans les grands péchés, qui nécessitent évidemment repentir sincère. Et quand ils ont jeté cet interdit sur ces fléaux, c'est parce que ces fléaux ne comportent aucun bienfait, mais que des méfaits, comme on va le voir. Même le tabagisme passif, c'est-à-dire, même si vous ne fumez pas, vous êtes dans un endroit où il y a des fumeurs, vous êtes touché, wal'iyadu billah, par ce fléau. Et donc, évidemment, tout ce qui est chicha, drogue et j'en passe, tout cela fait partie des grands péchés qui sont haram par cette unanimité des savants basée sur les règles de la jurisprudence et basée sur le Coran et la Sunna. Et ces éléments-là, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas moi qui le dis. C'est les rapports des comités, comme j'ai dit, de grands savants qui ont été soutenus par le rapport des médecins et des spécialistes qui ont donc décrété ces fléaux comme haram. Et quand ils ont décrété ces fléaux comme haram, comme kabira, ils ont aussi interdit tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire la vente, l'achat, l'agriculture, tout le reste. Tout ce qui tourne autour du haram est haram. Tout ce qui va amener à ce haram est haram. Parce qu'on parle du même fléau. Que vous soyez au bout de la chaîne ou en aval de la chaîne, en amont ou en aval, c'est la même chose. Vous êtes complice. Vente, achat, transport, agriculture, tout cela est en toute évidence haram à l'unanimité, je dis bien, ijma' de nos savants concernant cette nazi-là, ce fléau du monde moderne. Et pour finir, quelques chiffres de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. 60 millions de morts, tenez-vous bien, la population de la France. 60 millions de morts pendant le demi-siècle, le dernier demi-siècle de qu'on vient de passer. 60 millions de morts en 50 ans. Plus grave que les deux grandes guerres réunies. Plus grave que les deux grandes guerres réunies. 60 millions de morts. Et ça continue. Ça continue puisqu'on nous dit qu'il y a 60 000 morts par an en France. C'est-à-dire un mort sur dix, c'est le tabac. Et je ne vous dis même pas les chiffres concernant les drogues et concernant chicha. Ces chiffres-là, que vous venez d'entendre, sont énormes et sont loin de représenter toute la réalité de ce fléau. Et tout le danger de ce fléau, puisqu'il ne compte pas le tabagisme, l'impact sur l'environnement, ce qu'on appelle le tabagisme passif. L'impact sur le fœtus de la femme. La dernière fois à l'hôpital, une de nos sœurs est partie consulter. Elle était dans son huitième mois de grossesse. Et le médecin, c'est véridique, hein. Le médecin lui dit, madame, ce que vous avez dans votre matrice, en votre sein, c'est devenu du charbon. Wal'iyadu billah. Et vous devez être opéré de suite. Déjà mort. Combien de paquets de cigarettes vous fumez par jour? Elle a répété, je ne fume jamais. Je ne fume jamais. Alors, le médecin lui dit, est-ce qu'il y a des personnes qui fument autour de vous? Ah oui, on marie. Voilà ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc ces 60 millions que j'ai cités, c'est 60 000 morts par an. On ne comptabilise pas ces dangers ou ces impacts indirects du tabagisme passif. Ainsi, cela doit nous mener à réfléchir. Cela doit nous mener à comprendre notre mission sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala stawda'a al-insana had al-wadi'a al-'azima li hiya nafsuhu wa amarahu bil-hifadhi 'alayha wa ghadan yawm al-qiyamah yuhasabu 'ala fi'lihi fiha ni'ma min Allah sihha ni'ma min Allah al-mal fayus'alu al-insanu ghadan yawm al-qiyamah 'an hadha al-badan hadhihi an-nafs التي استودعك الله إياها في هذه الدنيا هل فعلت بها خيرا هل استعملتها فيما يرضي الله عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته mes chers frères, mes chers soeurs, pour finir, il faut comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a confié ce corps. Il ne nous appartient pas. Il nous a confié ce corps le temps de notre vie éphémère pour nous éprouver comment on va agir et comment on va utiliser ce corps qui ne nous appartient pas, qui va être restitué. Et Allah tabaraka wa ta'ala va nous juger comment on a agi, qu'est-ce qu'on a fait de ce corps. Également ces biens. Ces biens sont un privilège d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu crois que c'est toi qui l'as gagné, d'accord, mais c'est Allah qui t'a privilégié, qui t'a permis de les gagner. Et demain, au jour du jugement, il va te questionner, te juger sur sa provenance et sa dépense. Comment tu l'as acquis et dans quoi tu l'as dépensé. Donc il faudra réfléchir à cette responsabilité, cette lourde responsabilité. Aqulu ma tasma'un wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yurina al-huda hudan wa yarzuqana ittiba'ahu wa an yurina al-batila batilan wa yarzuqana ijtinabahu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي أما بعد إخوة الإيمان دائما في موضوع التدخين والشيشة والمخدرات وبينا حرمتها بدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء العصر وبينا خطورتها على الفرد والمجتمع فكيف العمل المؤمن حين يسمع ما سمعتم وجب عليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح لأنك علمت إن عمل بما علم أو ورث الله علم ما لم يعلم ويبلغ الشاهد الغائب إن أصبحت مسؤولا حين علمت فينبغي أن تبلغ وإذا كنت ممن ابتلاهم الله فعليك أن تتوب إلى الله حالا وتعقد العزم أن لا تعود لمثل هذا فتحافظ بذلك على صحتك وصحة أولادك وعلى مالك ومال عيالك. Je disais donc, mes chers frères, mes chères sœurs, si on a compris l'illicité, le haram, le caractère haram de la cigarette, de la chicha et des drogues, si on a compris leur danger, alors tout croyant et croyante doit cesser immédiatement cet acte s'il fait partie des gens éprouvés par ce fléau. Il doit le cesser immédiatement. Il doit avoir cette intention ferme à la sortie de cette mosquée de cesser immédiatement cet acte pour préserver sa santé, celle de ses enfants, de sa famille, de son environnement, et préserver aussi ses biens et les biens de ses enfants. Votre argent mérite d'être dépensé dans des causes nobles, utiles. Donc, le repentir sincère, mes chers frères, mes chères sœurs. Et aujourd'hui, grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, nous avons des structures pour pouvoir sortir de la dépendance si la personne, malheureusement, est tombée dans la dépendance. Il y a ce qu'on appelle le sevrage. Si vous consultez votre médecin, votre pharmacien, il y a aujourd'hui des patchs à base de plantes qui permettent à la personne de sortir de ce fléau petit à petit. Petit à petit, parce que je sais que c'est difficile de sortir immédiatement. Mais il faut avoir cette intention ferme d'en finir à un moment pour recourir une nouvelle santé, pour protéger cette vie qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a confiée, pour protéger nos biens et surtout pour satisfaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'on doit le faire pour Allah. Allah a interdit de porter préjudice à notre santé, à nos biens. Donc il faut justement revenir à Allah tabaraka wa ta'ala par un repentir sincère et justement tout faire pour aussi communiquer autour de nous ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient d'entendre. C'est cela le vrai croyant. Il partage les bonnes choses parce qu'il veut, il aime le bien pour son prochain. Il faut partager cela avec douceur et sagesse pour protéger nos familles, protéger nos enfants et protéger notre jeunesse. Notre jeunesse est en péril, notre jeunesse est en déperdition. Notre jeunesse est notre force, c'est notre avenir. Si elle est détruite par la cigarette, par chicha, par la drogue et par ce commerce illicite, par cette économie parallèle, que nous restera-t-il? Que nous restera-t-il pour bâtir, pour construire? أقول ما تسمعون وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège nos enfants et nos jeunes de ces fléaux, de ces dangers mortels. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à revenir vers sa religion, vers le droit chemin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à la tawba, au repentir sincère. Allahumma ya arhamar rahimin, ashghalna bi ta'atik, blina bi ta'atik ya arhamar rahimin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous occupe par son obéissance, par son zikr, par les choses utiles, par le service d'autrui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à exceller dans tout ce qu'on fait. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne son amour, l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des pieux, l'amour des savants. Allahumma ya arhamar rahimin, arzuqna hubbak wa hubba rasulika sallallahu alayhi wa sallam wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik wa hubba as-salihin wa hubba al-'ulama'i al-'amilin ya arhamar rahimin ya rabbal 'alamin, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. أمة سيدنا محمد ارحمها، أمة سيدنا محمد احفظها، أمة سيدنا محمد ادفع عنا الفتن، ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ادفع عنا الفتن التدخين، ادفع عنا الفتن المخدرات، احفظها من كل المشاكل يا أرحم الراحمين، وأعد لها عزها ورقيها وسؤددها ووحدة كلمتها يا أرحم الراحمين. اجعلنا من المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتباذلين فيك، المتعاونين فيك. اجعلنا من قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين. كالله تبارك وتعالى دون أن notre pays la France la paix, la prospérité, le bien vivre ensemble. كالله تبارك وتعالى fasse régner le paix dans ce monde et nous éloigne de l'anarchie, nous évite l'anarchie, nous évite les fitnas, toute fitna. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne de la fitna. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège et nous donne la paix, la sérénité, l'apaisement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide pour la subsistance halal. اللهم ارزقنا رزقا حلالا، اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها رحمة من سواك ارحمنا رحمة تغنينا بها رحمة عن رحمة من سواك اللهم يا أرحم الراحمين غنينا بحلالك عن حرامك اللهم غنينا بحلالك عن حرامك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله وأقم الصلاة.